إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله فأجد ويش قفت لكون المغنف دا كتاب التوحيد شرح كتاب التوحيد الحمد لله on est arrivé maintenant à l'explication de la partie du verset 152 où Allah سبحانه وتعالى dit ثم الشيخ dit ثم ختم هذه الوصايا بالوصية العاشرة العظيمة فقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وأن هذا صراطي الصراط في اللغة معناه الطريق والمراد بالصراط هنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهما طريق إلى الجنة أي ما أوحيته إليكم بواسطة رسل أو رسول من الأوامر والنواهي في هذا القرآن العظيم وفي سنة النبوية هذا هو الصراط فالذي يسأل عن الطريق إلى الله نقول هو كتاب الله وكذلك سنة رسول الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تابعة للقرآن ومفسرة للقرآن فالسنة داخلة في كتاب الله عز وجل donc le cheikh il dit qu'on termine les commandements qu'on a mentionnés précédemment et ça c'est le dernier d'entre les commandements dans le verset 151-152 et c'est le plus un des plus grands parmi ces commandements là et ça dit quoi ça dit et voici mon droit chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le. Et le cheikh, il explique par la suite le mot sirat, qu'est-ce que ça veut dire en langue arabe, c'est le chemin. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici par le chemin? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par le chemin? On veut dire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, et la sunna du messager, c'est-à-dire la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux choses-là, c'est ça qui est le chemin vers le paradis. Le chemin vers le paradis, c'est de suivre le Coran et de suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait dit, ce que je vous ai révélé, par l'intermédiaire de mon messager, parmi les ordres et les interdictions, dans ce Coran et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, voilà le droit chemin. Donc celui qui demande c'est quoi le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu réponds ou tu lui dis c'est le livre d'Allah et ainsi que la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle suit le Coran et elle explique le Coran. Donc la sunna est inclue, elle entre dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh il dit mustaqiman, il explique la partie où Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah a décrit le sirat, le chemin comme étant mustaqiman, comme le cheikh dit, نصب على الحال والمستقيم هو المعتدل. فطريق الله عز وجل معتدل ليس فيه ميلان ولا وليس فيه منعطفات وليس فيه غموض. طريق واضح يوصلك إلى الجنة تمشي عليه أو تمشي فيه على نور وعلى برهان وعلى طريق واضح. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit ce chemin là comme étant droit, et donc c'est un chemin qui est droit, il ne tourne pas ni à gauche ni à droite, il n'y a pas de courbe, il n'y a pas de tournant, là c'est un chemin complètement droit, et il n'y a rien qui n'est pas clair sur ce chemin, tout est clair dessus, et c'est le chemin qui te fait arriver au paradis, et tu marches dessus avec la lumière, avec la clarté, l'évidence, et c'est un chemin clair. وأضاف الصراط إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتكريم ثم وصفه بأنه مستقيم يعني معتدل بخلاف الطرق الأخرى فإنها معوجة ومعترجة أو متعرجة تضلل صاحبها لأن هناك طرقا كثيرة للشياطين شياطين الإنس والجن ومذاهب وهناك جماعات متعددة وهناك وهناك ولكن طريق الله واحدة وما فيها تعدد وما فيها تعدد ولا فيها انقسام ولهذا حد صراطه وعدد السبل قال ولا تتبع السبل لأن الطرق والسبل التي غير القرآن وغير الشريعة طرق كثيرة ليس لها حصر وكل صاحب مذهب له طريقة وكل صاحب نحلة له طريق وكل جماعة من الضلال لهم طريق وكل من اختلف عن الحق صار له طريق غير طريق الآخر وهذه علامة أهل الضلال أنهم لا يجتمعون على شيء ولا يتوافقون أبدا بخلاف أهل الحق فإنهم يتوافقون لماذا؟ لأنهم يسيرون على طريق الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé du sirat, du chemin, et il l'a disons relié à sa personne en parlant de ce chemin là en disant que c'est son chemin à lui. Allah subhanahu wa ta'ala il décrit ce chemin là comme étant son chemin. Et ça, c'est dans le but de montrer la noblesse et, disons, pour donner une certaine noblesse ou une certaine importance à ce chemin-là, puisqu'il le relie à lui-même. Il dit « Sirati ». Ok ? C'est-à-dire, c'est pas comme n'importe quel chemin, c'est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a décrit comme étant droit, un chemin droit. Et le cheikh, il dit ça, c'est contrairement aux autres chemins, parce que les autres chemins, ils sont des chemins qui font dévier les gens du droit, de ce droit chemin-là. Le chemin d'Allah, il est droit, mais il y a des chemins qui sortent de ce chemin-là. Et ces chemins-là qui sortent du droit chemin, c'est des chemins qui ne sont pas droits et qui égarent les gens. Ok? Donc c'est des chemins d'égarement, et il y en a beaucoup. Le chemin de la guidance, le chemin de la vérité, le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique, tandis que le chemin qui amène à l'égarement, le chemin des shayatin, ils sont très nombreux, et en fait, comme le cheikh il dit, ils sont illimités. Le chemin des shayatin parmi les djinns, le chemin des shayatin parmi les hommes, et les différentes voies, les différents groupes, ils sont très nombreux. Il y en a des centaines et des milliers, et même plus que ça encore. C'est un nombre illimité. Tandis que le chemin d'Allah, c'est un chemin unique. C'est comme les ulama, parfois ils disent, Al-Kufru Millatun Wahida. Même si par exemple on dit, bon, tous ces groupes-là, ils sont très très nombreux, mais ils sont tous par exemple, d'accord sur le kufr ou le shirk ou l'égarement. D'accord? Même s'ils sont très nombreux. Mais le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est un et il ne change pas. Hein? Donc, il dit que le chemin d'Allah, il est un. Et il ne se multiplie pas. Et il ne se divise pas. C'est-à-dire, c'est un chemin qui est un et qui est entier. Après, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de son chemin, il en a parlé au singulier. Tandis que quand il a parlé des chemins d'égarement, il a utilisé le terme subul, qui est le pluriel de sabil. C'est-à-dire, que c'est pour dire qu'il y en a beaucoup. D'accord? Ça, ça nous montre que la vérité, elle est toujours une. Et que le mensonge et la fausseté est toujours plus multiple. Voilà, tattabi'u subul. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit de suivre ces petits chemins-là d'égarement, qui se divisent de, ou qui sortent de, du chemin de, du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que toute voie qui est autre que le Coran, et toute voie qui est autre que la charia, hein, on sait qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup de chemins comme ça, qui sont contraires au Coran et contraires à la charia, hein, ils sont, comme il dit le chef, ils sont illimités. Chaque personne a sa propre voie, son propre chemin, sa propre secte, ou sa propre religion, ou sa propre compréhension, mais ce sont tous des groupes d'égarements. Donc c'est comme pour dire que peu importe ce que les êtres humains suivent, même si les gens se disent « Ah, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup de choses hein, », ils se disent « Ah mais s'il y en a tellement, ça ne peut pas qu'il y en ait une qui est droit, qui est la vérité. » Et bien c'est comme si Allah SWT disait « Oui, mon chemin c'est le vrai, c'est la vérité. » Que ça fasse plaisir aux gens ou que ça ne leur fasse pas plaisir, c'est ce chemin-là qui est le droit chemin, tandis que tous les autres chemins que les hommes suivent en dehors de ce chemin-là, c'est des chemins d'égarement. Hein? Et des fois les gens n'aiment pas ça quand on leur dit quelque chose comme ça. Parce que les gens ils te disent, ah tu penses que toi tu es la seule personne qui est sur la vérité, et tout le monde est égaré sauf toi hein? Et une fois j'ai posé ça la question à un cheikh, quand on était allé à Toronto, j'ai posé la question au cheikh du Yémen. Des fois tu parles avec des gens qui sont dans une bida ou qui sont dans un groupe d'égarement, ou bien qui sont perdus, qui ne suivent pas la sunna, tu leur parles et ils te disent, ah tu penses que c'est toi seulement qui es sur le haq de tout le monde, qui n'est pas sur ta voie, ils sont tous dans l'égarement. Le cheikh il a dit, oui, tu leur réponds oui, c'est moi qui suis sur le haq et tous les autres sont dans l'égarement. Même si ça leur dérange, Yannick. Parce qu'en fait c'est ça la vérité. C'est-à-dire, c'est pas la vérité ou ce que tu suis, c'est pas que tu dis que c'est la vérité parce que c'est toi qui le suis. Tu dis que c'est la vérité parce que c'est Allah qui a dit que c'est la vérité. Hein, et que ça vient d'Allah et que ça vient du messager. Donc, si quelque chose est en contradiction avec le Coran et la Sunna, tu dis que c'est batil. Peu importe le nombre de personnes qui le suivent. Hein, et même si toi tu, walaykoum salam wa rahmatullah, et si ce que tu suis, c'est en accord avec le Coran et la Sunna, et la voie des salaf salih, et que tu le suis, et que tu es toute seule à le suivre, et que tout le monde est contre toi, même si tu es toute seule, c'est toi qui es sur le haq, c'est les autres qui sont dans le batil. Donc c'est pour dire que c'est pas la quantité. Hein. Et au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu aux gens pour leur dire la ilaha illallah, il était tout seul. Il a dit la ilaha illallah, tout le monde était dans l'égarement, excepté lui. Hein. Et les gens, c'est ça ce qu'ils leur disaient, les gens de Quraysh. C'est toi qui es sur le haq et tout le monde est dans l'égarement, sauf toi. Comme si en voulant dire, c'est comme une prétention, c'est comme quelque chose de, c'est comme, pour eux, c'est comme une sorte d'arrogance ou de fierté ou de, hein. Mais non, c'est pas ça le but. Le but, quand tu dis ça, c'est pas pour montrer que t'es mieux que les autres. Le but, c'est de leur montrer que cette voie, c'est pas parce que je la suis qu'elle est vraie. C'est parce que Allah, il m'a ordonné de la suivre. Et moi je la suis, et vous aussi vous devez la suivre. Hein? Et si vous la suivez, vous êtes sur le haq avec moi. C'est pas parce que je veux la limiter à moi seulement, mais en même temps je vous invite à la suivre cette voie-là aussi, si vous voulez être sur le haq. D'accord? Donc, toute voie qui est contraire à cette voie, à la voix d'Allah, et bien c'est une voix d'égarement. Donc le signe, le chef il dit donc, chaque personne il arrive avec une nouvelle, un nouveau groupe, alaykoum salam, il vient avec une nouvelle secte, une nouvelle groupe, une nouvelle jama'a, une nouvelle voix, une nouvelle religion. Puis le chef il dit, et ça, c'est le, chacun d'entre eux ils sont différents les uns des autres, ils sont tous un contre l'autre, chacun de ces gens-là. Et le chef il dit, ça c'est le signe des gens d'égarement, ils sont pas capables de s'unir sur rien. Ils ne sont pas capables d'être d'accord sur rien. Et t'en as parmi certains de ces musulmans-là, aujourd'hui, qui sont dans le balal, qui ne suivent pas la sunna, ils disent, mais ça c'est bien que les musulmans soient différents, qu'ils aient des opinions différentes, qu'ils soient en groupe et en secte, c'est un signe de la diversité. Hein, et de la diversité de l'islam et des musulmans. C'est quoi cette diversité? Si ça vient pas d'Allah, si ça vient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si les sahabas l'ont pas suivi, alors c'est batil. Il y a pas de diversité dans la façon de suivre le Coran et la Sunna. Bien entendu, si c'est des questions, une question d'ijtihad, sur lesquelles les ulama ont des différences d'opinion, hein, et bien là, c'est différent. Mais quand on parle de aqidah, quand on parle de usul, de la sunna et des choses comme ça, il n'y a pas de place pour les diversités, hein, et la multiplicité ou la je sais pas quoi d'autre encore. Il y a une voie à suivre, un chemin à suivre, et c'est ça le haq. Hein, et les autres chemins qui sont différents de ce chemin-là, eh ben c'est des chemins d'égarement. D'accord? Donc comme on dit, l'islam c'est pas un bazar. Tout le monde y vient, il accepte, il croit en qu'est-ce qu'il veut, il pense qu'est-ce qu'il veut, hein, il appelle les gens à croire n'importe quoi, sans qu'on puisse vérifier ou analyser qu'est-ce qu'il dit, pour voir est-ce que c'est en accord avec le Coran et la Sunna ou non. Hein, il y a des gens comme ça. Donc, alhamdoulilah, on a une balance, on a des critères à respecter, une balance pour distinguer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et cette balance c'est le Coran et la Sunna, et l'exemple des Sahaba qui nous ont montré comment suivre l'islam. D'accord? Mais c'est ça l'exemple. Donc les gens de l'haq, les gens qui suivent la Sunna et tout, qui sont d'accord sur la vérité, ils s'unissent, ils sont unis. Ils s'unissent facilement. Tandis que les gens qui suivent l'égarement, qui suivent les passions, qui suivent les bid'ah, eh bien, eux, ils ne s'unissent pas facilement. Ils sont tous divisés entre eux et ils refusent de s'unir. C'est très difficile pour eux de s'unir. Hein, donc, pourquoi c'est difficile de s'unir? Parce qu'ils ne suivent pas le droit chemin. Parce qu'ils ne suivent pas la sunna. Ils ne suivent pas le chemin d'Allah. Tandis que les gens qui suivent le haq, c'est facile pour eux de s'unir parce qu'ils suivent le chemin d'Allah. Et après, le cheikh dit, « Famizatu ahli al-haq, annahum la yakhtarifoun. » وإن حصل اختلاف فإنه يحسم بالرجوع إلى الكتاب إلى كتاب الله فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله فالصحابة قد يقع بينهم اختلافات ولكن سرعان ما تذهب لماذا؟ لأنهم يرجعون إلى كتاب الله فقد اختلفوا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم من الخليفة بعده؟ ثم سرعان من حسم النزاع وعاهدوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما رجعوا إلى السنة واختلفوا في حروب الردة وسرعان ما اتفقوا على قتال المرتدين لأنهم رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الذكر une des particularités des gens qui suivent le haq, qui suivent la vérité, c'est qu'ils ne divergent pas trop, ils ne divergent pas beaucoup, ou bien ils ne divergent pas. Et le chef dit que s'ils divergent, s'il arrive que parfois ils sont en désaccord entre eux, ils retournent au livre et à la sunna. Hein, ils retournent au livre et à la sunna. Et ils donnent le verset 59 dans Surat al-Nisa, « فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ » Si vous divergez en quoi que ce soit, peu importe qu'est-ce que ça peut être, ramenez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, hein, on connaît le verset. Donc, les Sahaba, c'est arrivé parmi eux qu'il y avait parfois des désaccords. Mais, très rapidement, ils ont réussi à éliminer ces désaccords-là. Comment? Parce qu'ils sont retournés au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il donne un exemple, il dit, par exemple, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui allait être le khalifa après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein, c'est arrivé cette question. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont posé la question, qui va être le khalifa? Qui va succéder le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui va diriger la umma? Eh bien, très rapidement, ils ont réussi à régler ce gros problème, qui est une grande question, mais ils ont réussi à la régler très facilement, sans faire de grandes histoires, sans faire de grands problèmes, en retournant au Coran et à la Sunna. Hein? Ils ont réussi à régler ce problème. Et un autre exemple, c'est que yani, ils ont eu un désaccord, les Sahaba, au sujet des gens qui avaient quitté l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit qu'ils avaient refusé de payer la zakat, ou bien soit qu'ils avaient, qu'ils avaient quitté l'islam complètement, ou bien qu'ils avaient cru en « Usaylama al-Kazab », des choses comme ça. Donc, Abu Bakr, il a dit « il faut les combattre ». Et Omar ibn al-Khattab, lui, il a dit « mais comment tu peux les combattre ?» Ils ont dit « la ilaha illallah ». Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « qu'aidez-vous pour combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent « la ilaha illallah ». Et qu'ils font la salat, et qu'ils fassent la salat, et qu'ils donnent la zakat. Et lorsqu'ils font ça, alors leur sang et leur bien est protégé, excepté pour un des droits de l'islam. Donc, Abu Bakr, il a répondu, il a dit, oui, mais la zakat, c'est un des droits de l'islam. Et je vais combattre celui qui distingue entre la prière et la zakat. Et il a fait comprendre à Abu Bakr que, il a fait comprendre à Omar ibn al-Khattab que, yani, ces gens-là, on doit les combattre, même s'ils ont dit la ilaha illallah, mais ils ont refusé de donner un des droits de l'islam, qui est la zakat, etc. Donc, ils ont réglé le désaccord en ramenant les choses à la sunna, pour clarifier la question. Et donc, c'est comme ça que les musulmans, même lorsqu'ils avaient des désaccords, ou des différences d'opinion, ils ramenaient la question au Coran et à la sunna, et ils réglaient la question. C'est pas comme les gens d'aujourd'hui qui disent s'il y a des désaccords, ça y est, chacun prend l'opinion qui lui plaît, puis c'est fini. Non, il ramène la question au Coran et à la Sunna. Comme par exemple, il y a certains penseurs ou certains parmi les musulmans qui sont connus comme étant des discoureurs, qui donnent des discours, qui font des speeches, ils sont très connus, et quand ils discutent, ils vont ramener une question sur laquelle, soi-disant, parfois il n'y a pas vraiment de différence d'opinion. Mais eux, ils inventent une différence d'opinion, hein, pour se permettre de faire quelque chose. Donc ils disent, il y a différence d'opinion à ce sujet. Alors que c'est même pas vrai, parfois. Et ils ne mentionnent jamais qui a eu cette différence d'opinion. C'était qui, ceux qui ont été en désaccord. Ils ne le disent jamais. Et, la façon dont il parle, c'est que chaque fois que tu discutes d'un sujet sur l'islam, tu dois absolument expliquer qu'il y a différence d'opinion sur une question et mentionner chacune de ces opinions-là aux gens lorsque tu t'adresses à eux. Comme si en voulant dire que il faut absolument le dire. Il faut pas uniquement donner la position que tu as choisie toi-même, avec les preuves et les arguments, mais il faut aussi donner les autres arguments et les autres opinions qui sont contraires à la tienne. Et ça, c'est pas une condition. Si tu t'adresses à des musulmans, tu leur expliques qu'est-ce qui est clair pour toi du Coran et de la Sunna, ou qu'est-ce qui est clair du Coran et de la Sunna selon qu'est-ce que les ulama ont enseigné, selon la position qui t'est parue la plus claire, qui t'est parue la plus proche du Coran et de la Sunna. Et c'est pas une condition que tu commences à énumérer toutes les différences d'opinion sur une question devant des gens. Parce que, en général, c'est pas ça qui est une preuve. La preuve, c'est dans le Coran et dans la Sunna, s'il y a eu des différences d'opinion, et que tu fais juste les énumérer comme ça, sans mentionner les références, sans mentionner les preuves, ça suffit uniquement à mélanger les gens, à leur faire comprendre qu'il y a différence d'opinion, puis par la suite ils vont pas être capables d'arriver à ramener leurs idées à une position claire et définitive. Donc, toi tu ramènes la position qui est la plus claire et tu ramènes les preuves et ça suffit. Par la suite, si les gens vont approfondir leurs études, approfondir leur compréhension de l'islam, ils vont par la suite étudier les détails de chaque question pour essayer de comprendre les différences d'opinion et les différences dans les preuves et comment les savants ont compris différemment parfois certaines preuves ou comment parfois certains savants se sont basés sur un hadith qui est faible et il a utilisé ce hadith-là comme référence alors qu'il n'était pas authentique. Ou bien d'autres fois, un savant, par exemple, il s'est basé sur un hadith qui était authentique, mais il l'a compris différemment qu'un autre. Donc, des fois, il y a différentes raisons comment les savants ont divergé entre eux. Mais c'est pour dire que quand on commence à étudier les questions islamiques, c'est pas en commençant tout de suite qu'on commence à déterminer ou à chercher les désaccords, les différences d'opinion. On commence à prendre celle qui est plus proche ou celle qu'on nous donne avec les preuves, le Coran et la Sunna, et par la suite, on va approfondir ça. D'accord? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce que j'écoutais certains, il y en a un qui disait, parlait de. Yani chaque fois qu'il veut rendre quelque chose halal, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, le cinéma, il y a différentes opinions. Il y a le cinéma halal, il y a le cinéma haram. Et il parle de musique. Ah, il y a différentes écoles. Hein? Ouais, il y a quatre écoles, il y a différentes écoles. Et il y en a qui prennent ça. Hein? Il y en a qui disent ça. Ah, il y en a qui disent que ça, c'est pas permis. On les respecte. Hein? On les respecte. Mais nous, on n'est pas d'accord avec eux. On commence à dire ça. Et puis là, ils disent, il y a différentes écoles, il y a différentes opinions. Pourquoi vous voulez toujours prendre l'école qui est toujours la plus dure? Hein, il faut, l'islam, c'est facile. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Comme on dit en anglais, fatwa shopping. Hein, en anglais, on dit, c'est-à-dire, ils vont pour faire du shopping de fatwa. Ils vont chercher dans les différentes madahib une opinion qui va être en accord avec leurs désirs et leurs passions. Ok? Et puis après, ils vont utiliser le désaccord, soi-disant, s'il y en a vraiment un, parce que souvent, on sait que les quatre madahib sur la musique, ils sont tous d'accord, que c'est haram. Mais, ils vont chercher une position comme ça, chaise, d'un savant qui a contredit tous les autres. Ils vont l'amener comme si c'était une position valable parmi les différentes opinions des savants. Et puis, ils vont commencer à dire, bon, pourquoi vous voulez prendre la plus dure, prenez celle qui est plus facile, comme si c'était une règle, alors que Allah ne dit pas prenez la plus facile, il nous dit prenez celle qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Hein? Donc Allah dit فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Ramenez-le à Allah et au messager. D'accord? Donc c'est pas une question comme ça, comme ces gens-là qui essaient d'utiliser la diplomatie pour essayer de faire plaisir aux gens. Et de à chaque fois qu'ils ont quelque chose à ramener, ils essaient de dire bon, il y a un désaccord ou une différence d'opinion, puis ils prennent le désaccord d'opinion comme si c'était une preuve en soi. Donc il y a pas le désaccord, c'est pas une preuve. La preuve, c'est le Coran et la Sunna. Donc ça c'est un point. Après les gens se disent أهل الحق حتى لو حصل بينهم خلاف ناتج عن اجتهاد فإنهم يرجعون إلى كتاب الله بخلاف أهل الضلال فإن كل واحد يركب رأسه ولا يصغي للآخر وكل واحد يريد أن يكون هو الشيخ المعظم لأنه يريد تعظيم نفسه ويريد لا يريد الحق فكذلك فلذلك تجدون أهل الضلال دائما في اختلاف ودائما في صراع، وتجدون أهل الضلال تتشعب مناهجهم وتتنوع، وكل حين يخرج مذهب جديد. هذه صفة أهل الضلال والعياذ بالله، وهذا مذكور في هذه الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. Qu'est-ce qu'il dit le Cheikh ? Il dit les gens de la vérité, même s'il y a un désaccord entre eux sur les questions d'ijtihad, ils retournent toujours au livre d'Allah, contrairement aux gens de dalal, aux gens de l'égarement. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens de l'égarement ? Chacun d'entre eux, il veut suivre sa propre tête. Il ne veut pas écouter l'autre. Chacun d'entre eux veut être le Cheikh, veut être celui qui est suivi et écouté, et il veut s'élever lui-même, se grandir lui-même, et là il veut pas la vérité, il veut juste que les gens l'écoutent lui. Donc vous allez trouver que ça, c'est pour ça que les gens d'égarement sont toujours en désaccord, ils sont toujours en train de lutter entre eux et de se disputer, et vous trouvez que les gens d'égarement sont toujours en train de se leurs voix sont toujours comme des branches d'arbres, c'est-à-dire elles se multiplient de plus en plus, plus que ça avance, comme comment on peut dire ça en français, c'est un sha'ab, c'est comme tu vois une secte par exemple, ou une voix, et puis elle se divise en trois, puis ces trois, elle se dit chacune de ces trois se divise en six, et chacune de ces six, ouais c'est ça, donc elle se multiplie au fur et à mesure, tu vois, elle se, comme des branches, un peu comme une branche d'arbre, donc c'est, tandis que les gens de la vérité, c'est le contraire, ils convergent, enfin, eux ils divergent, tandis que les gens de la vérité convergent vers une vérité, un chemin unique. Donc, alhamdulillah. Après, le Cheikh il dit que c'est ça que Allah a dit en parlant dans ce verset. Il a dit « Et ne suivez pas les voies qui vont vous diviser du chemin d'Allah. » Donc, c'est la preuve que l'égarement divise les hommes. L'égarement va diviser les hommes. Après, le Cheikh il dit « ووضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بتوضيح محسوس ذلك أنه خط صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا معتدلا ثم خط عن جنبيه خطوطا فقال صلى الله عليه وسلم للخط المعتدل هذا صراط الله وهذه الطرق هي السبل هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. Donc le Cheikh qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allahu Akbar non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a tracé une ligne droite sur le chemin. Ça c'est comme un peu comme l'interprétation de ce verset. Il a tracé une ligne droite sur le sol et il a dit ça c'est le chemin d'Allah, et de chaque côté il a fait des lignes qui sortent de ce chemin. Et il a dit ça c'est le chemin d'égarement, ça c'est le chemin d'égarement, et à la tête de chacun de ces chemins d'égarement il y a un diable qui appelle les gens à suivre, et donc ça c'est pour montrer aux gens l'exemple clair de l'explication de ce verset, ok. Et après il a récité ce verset en disant وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Suivez mon chemin en toute sa rectitude et ne suivez pas les autres branches qui vont vous égarer de son chemin. C'est ça la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là. Donc les gens qui pensent que il y a des gens qui disent ah mais c'est plate si tout le monde pense pareil, si tout le monde croit la même chose, il n'y a pas de diversité, il n'y a pas de différence, on est tous pareils, on va tous penser pareil et puis ça va être ennuyant. Mais non, chacun on a notre personnalité, notre tempérament, notre caractère, chacun d'entre nous, en lui, il a quelque chose qui le rend unique et qui le distingue des autres. Hein? Chaque personne est différente. La seule différence, c'est qu'on a la même aqida, on croit à la même chose et on suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la même façon. Mais en dehors de ça, dans les affaires de la dunya, dans le ton de notre voix, dans les traits de notre visage, dans la façon dont on s'exprime et dans notre tempérament, on a tous des exemples et des différences. Et c'est ça ce qui fait notre diversité. Dans les choses de la dunya, il n'y a pas de problème tant que c'est des choses halal et que c'est permis. On peut être différent, il n'y a pas de problème. Un peut avoir un qamis blanc, l'autre un qamis bleu, l'autre une autre couleur, hein, ça dérange pas. Mais quand tu amènes la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu dis ah mais non, je ne veux pas accepter ça parce que il faut qu'on ait une diversité, ça c'est l'égarement. Et il y a des gens qui appellent à ça, hein, qui appellent à toutes sortes de sectes ou à toutes sortes de dalals, les soufis, hein, les chiites ou d'autres sectes encore, et qui disent aux gens ah oui mais ça c'est la diversité, c'est ça ce qui fait la richesse de l'islam. Ça c'est parce qu'ils n'ont rien compris à la réalité de qu'est-ce que ça signifie de suivre le Coran et la Sunna. Parce que la preuve c'est que les sahaba ils étaient tous sur la même aqida et ils n'ont jamais suivi d'autre chose que le Coran et la Sunna. Après le cheikh il continue, il dit وَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يقول من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وأضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الشيخ يزي كمان dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il y a des exemples qui prouvent ça aussi, qu'il y a une seule voie à suivre et un seul chemin à suivre. Et comme dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba lui ont demandé, hein, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-nous un conseil, donne-nous un rappel, yani quelque chose, dis-nous quelque chose, parce que c'était son discours d'adieu, hein, avant sa mort. Il a dit, donne-nous un conseil puisqu'on sent que tu vas nous quitter. Alors il leur a parlé et il leur a dit, celui qui vivra après moi va voir beaucoup de divisions ou de divergences ou de différences d'opinion. Ikhtilafan kathira, beaucoup de ikhtilaf, il va avoir beaucoup de désaccords, beaucoup de désaccords entre les gens. Hein? Donc c'est pas une surprise pour nous, on doit être déjà averti qu'il va y avoir des divergences, il va y avoir des différences, il va y avoir des désaccords. Donc on n'est pas surpris de ça, c'est pas quelque chose de nouveau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous l'a dit. Mais il nous a aussi donné la réponse et le remède à cette division-là et à ce désaccord-là. Il a dit, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدِينَ. Alors, accrochez-vous et suivez ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés. Ok? C'est comme un remède pour ne pas se diviser, pour ne pas avoir les désaccords. Et il a dit, تَمَسَّكُوا بِهَا. Hein, accrochez-vous à cette sunna. وَعَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ, et mordez dedans avec vos molaires. C'est une image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne pour nous faire comprendre à quel point on doit s'accrocher fermement pour pas dévier. Ben oui, exactement. C'est comme le frère il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ, ça ne veut pas dire que tu peux suivre soit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien la sunna des khulafa ar-rachidin puis que c'est deux sunnas différentes. Non, la sunna des khulafa ar-rachidin c'est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que si tu suis, wa alaykum salam wa rahmatullah, et que si tu suis les khulafa ar-rachidin, hein, eh ben dans ce cas-là, c'est comme si tu suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Et les khulafa rachidines ne contredisent pas la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et si jamais il y a une divergence ou une différence entre eux, hein, eh ben on suit l'exemple des khulafa rachidines eux-mêmes de ramener les désaccords au Coran et à la sunna. Comme Allah nous a ordonné de le faire. D'accord? C'est pas chacun décide, il suit ce qu'il veut. Et donc, nous accrocher à cette sunna, et il nous a prévenu aussi d'autres choses qui est à la base de la, qui sont une chose qui est à la base des désaccords et des, de la division. C'est quoi? C'est les innovations dans la religion. C'est pour ça que juste après avoir dit, accrochez-vous à ma sunna, il dit tout de suite après, et prenez garde aux inventions dans la religion. Prenez garde aux inventions dans la religion, car toute invention dans la religion est une bid'a. Hein, c'est une innovation. Et toutes les bid'a sont des égarements. Donc, quand les gens vont inventer des bid'a, eh bien c'est là qu'ils vont se diviser. Parce que si quelqu'un peut commencer à faire une bid'a et qu'il appelle les gens à le suivre, un autre peut inventer une autre bid'a et il appelle les gens à le suivre. Et là, ça finit plus. Ça fait des centaines et des centaines de bid'a. Chaque personne appelle à une bid'a différente. Et étant donné que c'est pas basé sur des références et des preuves, eh ben, chaque personne commence à s'égarer et à appeler les autres à l'égarement également. Et donc, ça divise la Ummah. Hein? Et donc, le danger, c'est ça le danger des bid'a. Regardez, chez les chrétiens par exemple. Quand vous entrez dans une église aujourd'hui, à 100% vous ne pouvez pas retrouver l'exemple du prophète Isa dans qu'est-ce que les chrétiens font de leur religion. La majorité de qu'est-ce que ces gens-là font dans leur religion, tu ne le retrouves pas ni dans la Bible, tu ne le retrouves pas non plus dans les exemples de Isa qui sont écrits dans la Bible. Ils ont inventé leur religion de toutes pièces. Ce sont des innovations par-dessus des innovations par-dessus des innovations. Ils n'ont pas une religion qui est basée sur des textes et des preuves. Hein? Tu leur demandes, mais d'où est-ce que vous tirez ça? Qu'est-ce que vous faites? Allez, on sait pas, ça a été inventé comme ça, les gens le suivent. Hein? Comme exemple. Je te donne juste un exemple. Souvent, à l'église, il y a une petite affaire d'eau, tu mets ta main, puis les gens ils font le signe de croix. Le signe de croix, il touche son front, son épaule droite, son épaule gauche et sa poitrine. Et en faisant ça, il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, montrez-moi où c'est écrit ça dans la Bible. Nulle part. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont inventé. Est-ce que Jésus, déjà dans sa vie, il a fait le signe de croix? Jésus n'a jamais porté une croix de sa vie, il n'a jamais dit aux gens de suivre une croix ou de porter une croix. Ça déjà, ça c'est une innovation. Jésus n'a jamais dit aux gens, mettez des croix dans vos maisons, mettez des croix dans votre cou, mettez des croix dans les églises, dans les mosquées, dans les endroits où les gens prient Dieu, mettez des croix. Jamais il a dit ça. Donc la base, ça c'est le symbole du christianisme. La croix c'est le symbole du christianisme. Eh bien le symbole du christianisme est une innovation dans la religion de Jésus. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec le message de Jésus, ni avec la religion de Jésus. Hein? Donc ça c'est juste un exemple, mais il y a des centaines et des centaines d'exemples comme ça dans la religion chrétienne. Ok? Et c'est pour ça que quand on ouvre la porte aux innovations, c'est ça qui amène à l'égarement. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a averti des innovations. Et il nous a prévenu de ne pas faire des innovations. Il y a bien entendu les statues et les images. Bon, il y avait pas ça dans les synagogues. Bon, est-ce que Jésus était rentré à une église dans son époque? Il n'y avait pas d'église. Est-ce qu'il y avait des prêtres qui ne se mariaient pas, hein, qui faisaient juste prier ou qui faisaient juste adorer Jésus? Ça n'existait pas. Hein? Est-ce que le mot christianisme, est-ce que ça existait au temps de Jésus? Ça n'existait même pas. Jésus n'a jamais prononcé une fois dans sa vie le mot chrétien ou christianisme. Ça n'existait pas. Le terme de christianisme s'est apparu bien longtemps après Jésus. Hein? Donc, celui qui va prétendre que, c'est pour vous montrer comment les innovations égarent les hommes et les éloignent du droit chemin. Okay? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti nous aussi de ne pas suivre l'exemple de ces gens-là. Il a dit, vous allez suivre les juifs et les chrétiens, pas à pas. Même si vous les voyez entrer dans le trou de lézard, vous allez les suivre dans le trou de lézard. À quel point vous allez les suivre? Pour montrer à quel point vous allez les suivre. Et donc, ils ont demandé, les sahabes ont dit, de qui tu parles, ya Rasulallah? Est-ce que tu parles des juifs et des chrétiens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui d'autre? Donc, c'est-à-dire, pour nous prévenir, qu'il y a une bonne partie des musulmans qui vont s'égarer, puis qui vont suivre les juifs et les chrétiens. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? La plupart des innovations qui sont rentrées dans l'islam, parmi les musulmans, c'est rentré à cause du fait qu'on a suivi les juifs et les chrétiens. Comme l'exemple du Maulid al-Nabawi, ceux qui fêtent ou qui célèbrent la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont copié ça de Noël, la fête de Noël chez les chrétiens. Il y a d'autres exemples aussi dans ce genre. Hein? Il y a d'autres exemples de bid'ah, le fait de soulever les tombes, de construire des sanctuaires sur les tombeaux pour les hommes pieux et les hommes saints, et d'aller leur demander de l'intercession et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui vient des juifs et des chrétiens, que les musulmans ont suivi. Hein, ou que ça vient aussi de chez les autres mouchriquines, en dehors des juifs et des chrétiens. Donc, il y a plein de bid'ah comme ça qui viennent d'autres groupes, d'autres religions, mais les musulmans ont suivi dans ces choses-là, et c'est ça qui les amène à l'égarement. Donc, il y a deux choses qu'il faut faire si on ne veut pas se diviser. S'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des khulafa rachidin et s'écarter des innovations. Si on s'écarte des innovations et qu'on suit la sunna, on ne peut pas se diviser. On ne peut pas s'égarer. Parce que c'est ça le haqq. Hein? On ne peut pas se diviser. Et c'est pour ça qu'on voit les gens qui suivent le Coran et qui suivent la sunna comme il faut, selon la compréhension des sahaba et des tabi'in, peu importe d'où ils viennent, même s'ils viennent de la Chine, même s'ils viennent de l'Afrique, même s'ils viennent de l'Afrique, d'Amérique du Sud, même s'ils viennent de l'Europe, peu importe d'où ils viennent, quand ils se réunissent, ils sont tous d'accord sur les bases et sur les principes. Même si parfois, bon, ils vont avoir un petit désaccord. Quand on se relève du recours, est-ce qu'on met les mains à côté du corps ou on les met sur la poitrine après le recours? C'est un désaccord, mais c'est un désaccord minime. C'est pas un grand désaccord. Hein? Et on le ramène au Coran et à la Sunna et on essaie de comprendre quelle position est la plus proche. Hein? Et on se respecte s'il y a ce genre de désaccord parce qu'il y a des savants qui ont suivi le Coran et la Sunna et qui ont ramené chacun qui ont ramené des preuves pour montrer qu'ils avaient une position sur cette question-là et ils ont tous les deux fait une ijtihad. Et c'est ça qui a été leur conclusion. D'accord? Donc c'est ça l'important. D'accord? Donc... Pardon? La sunna, ok. La sunna, c'est quoi? C'est les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses actions. Oui, les paroles, les enseignements, les actions, son exemple dans ses actions. Et les choses qu'il a approuvées durant sa vie, tout ça fait partie de sa sunna, ok? C'est sa voix, son exemple. Et ces choses-là, eh ben, elles ont toutes été rassemblées et mises par écrit par les compagnons et par les gens qui ont suivi par la suite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a les livres de la sunna hein, qui nous rapportent les hadiths. Les paroles et les exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on peut suivre, qu'on doit suivre. Et donc, c'est la sunna et c'est l'explication du Coran, comme le cheikh a dit tout à l'heure. D'accord? Ensuite, il mentionne un autre hadith important à ce sujet-là et il dit, وقال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فقالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا صراط الله في الآيات وفي الأحاديث. Donc le cheikh dit le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit que ma umma elle va se diviser en 73 sectes. 73. Ça c'est un exemple pour faire comprendre que la umma elle va pas rester unie. Elle va se diviser, il va y avoir des divisions, il va y avoir des sectes, il va y avoir des groupes. Hein? C'est pour nous prévenir. Soyez pas surpris que vous allez entendre parler de soufis, shia, khawarij, murji'a, mu'tazila, jahmiya, etc., asha'ira, et toutes les sectes de tijaniya, shaziniya, saharwardiya, chistiya, yani qadiriya, quoi d'autre encore? C'est quelques-unes parmi les milliers, hein? Mouridiya, hein? Et les autres. Donc, ne soyez pas étonnés. Tout ça, vous allez le voir. Et il va y en avoir. Plus en plus. Plus la fin des temps approche, plus il y en a. Des bid'as, des égarements, des groupes, des sectes. Ça, c'est quelque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit déjà d'avance pour qu'on soit prêt. Pour qu'on soit averti. Qu'il va y avoir les divisions. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut les distinguer? Est-ce qu'il y a un moyen de distinguer entre la vérité et le faux? Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit comment faire pour distinguer, comment faire pour savoir quoi suivre, comment faire pour savoir lequel est sur la vérité. Il a dit ça. Ils ont dit, كلها في النار إلا واحدة. Il y en a 73, mais il y en a une seule qui va être au paradis, les autres sont en enfer. Tous les groupes, les autres sont en enfer. D'accord? Alors, les sahaba, ils veulent savoir c'est quel ce groupe qui va être au paradis. Hein? Parce que si il y a un groupe qui va au paradis, on veut savoir comment faire pour le reconnaître, pour le suivre. Eh bien, le prophète Hassan, il a donné la réponse et la description, il a dit, c'est le groupe qui suit ce que moi je suis et ce que mes compagnons suivent. Si vous suivez ce que moi j'ai suivi et ce que mes compagnons suivent, vous êtes sur le groupe qui va aller au paradis. C'est ça la vérité, c'est ça le haqq, c'est ça le groupe qui va être sauvé. Et c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre aujourd'hui. D'accord? Donc, il y a des gens aujourd'hui par exemple qui entendent ce hadith-là et ça leur fait des frissons. C'est-à-dire ils détestent ce hadith. Ils détestent l'entendre ce hadith, il y en a même qui rejettent le hadith. Alors que les ulama ont dit que c'est un hadith qui est, on peut l'utiliser, qu'il est authentique, et c'est une référence dans l'Aqida. D'accord? Mais il y en a qui le détestent, pourquoi? Parce que le hadith nous dit qu'il y aura des divisions. Et ces gens-là, ils ne veulent pas admettre qu'il y a des divisions dans la Ummah. Même s'ils le savent, ils savent qu'il y a des sectes. Et ils savent qu'il y a des religions, des différentes groupes dans la religion, mais qu'est-ce qui les embarrasse ou qu'est-ce qui les embête, c'est qu'ils ne veulent pas ramener les gens, ils ne veulent pas ramener les gens au Coran et à la Sunna, ils veulent ramener les gens à leur propre manhaj, à leur propre compréhension, à leur propre méthode, à leur propre, parce qu'eux-mêmes font partie d'une secte, mais ils ne veulent pas l'admettre, alors ils font semblant que ce hadith-là est pas bon, pour que les gens continuent à les suivre eux, et non pas à ramener les gens au Coran et à la Sunna. D'accord? Donc, celui qui essaie de nier l'existence ou la présence des sectes et des divisions dans la Ummah, c'est soit qu'il s'aveugle ou qu'il se ment à lui-même. Parce que c'est un fait. Et même quand vous écoutez, par exemple, nous on dit, on est salafi, on appelle les gens à la da'wa salafiya. Qu'est-ce que ça veut dire la salafiya? Ça veut dire de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf salih. Et c'est qui les salaf salih? Les salaf salih, c'est les sahaba. En premier tout, c'est les sahaba, après c'est les tabi'in, après c'est les tabi'in, Donc, ça c'est une définition, personne ne peut critiquer cette définition. parce qu'elle est en accord avec l'islam, elle est en accord avec les preuves et avec les textes. Personne ne peut critiquer cette définition. Mais tandis que tu vois des gens bédas qui font leurs conférences et qui font leur organisation et qui disent « Nous sommes la tariqa Boutchichia, nous sommes la tariqa Qadiriya, nous sommes la tariqa Tijaniya » ouvertement, sans aucune gêne et aucune honte. Hein? Tariqa, c'est les sectes soufis. Ok? Ils disent ça ouvertement, ils n'ont pas de honte. Hein? Et ils utilisent ces termes et ces noms et ces qualificatifs, hein, sans ramener les gens au Coran et à la Sunna. Donc quand tu leur dis salafi, ils sont tous en train de te critiquer pour dire mais pourquoi tu dis salafi? C'est pas bon, faut pas dire salafi. C'est pas écrit dans le Coran qu'il faut être salafi. Allah il dit dans le Coran, huwa sammakum al-muslimin, hein, il vous a appelé musulman, il vous a pas appelé salafi. Donc pourquoi tu dis salafi? Alors, mais pourquoi vous ne dites pas ça quand vous entendez les gens qui disent Boutchichi et qui disent Tijani ou Soufi ou Ikhwani ou autre? Vous ne dites pas. Vous ne dites pas. Ah, oh, mais pourquoi vous dites ces noms-là? Hein? Donc, yani, la réponse à cette Shubha, en fait, c'est que c'est vrai. On est des musulmans et Allah nous a appelés des musulmans. Et les Sahaba, à leur époque, ils disaient tous, oui, nous sommes des musulmans. Alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Au temps des Sahaba, est-ce qu'il y avait des sectes? Il n'y avait pas de sectes. Ils étaient tous sur un seul et même islam, une seule et même compréhension. Ils étaient tous unis. Mais après les Sahaba, quand les gens ont commencé à inventer des bid'ah et à se diviser, les gens ont commencé à utiliser d'autres termes pour se distinguer des gens de bid'ah. Et ces termes-là, ils les ont tirés du Coran et de la Sunna. Comme par exemple, Ahlus Sunnati wal Jama'a. Pour se distinguer des gens de Bid'a, qui suivent des innovations. Donc, pour se distinguer, ils ont dit, nous sommes des gens de la Sunna. Quand il y a eu, aussi d'autres appellations comme Al-Firqatun Najiyah, pour dire que nous sommes le groupe sauvé. C'est-à-dire le groupe qui suit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi, ainsi que ses compagnons. Ou à Ta'ifatul Mansoura, le groupe qui est victorieux, c'est-à-dire le groupe qui suit le Coran et qui suit la Sunna. Ou bien As-Salafiyya, ceux qui suivent l'exemple des Sahaba et des Tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont suivi l'exemple du Coran et de la Sunna. Toujours pour ramener à cette base. Hein? Et donc il n'y a rien de mal dans le fait de se qualifier comme étant Sunni ou Salafi. Hein? Parce que on n'est plus comme à l'époque des Sahaba, où tout le monde était uni sur une seule et même compréhension de l'islam et sur une seule et même chose, maintenant il y a trop de divisions, et puis c'est nécessaire de se distinguer et d'utiliser ces appellations-là pour faire comprendre qu'il y a des gens qui sont sur le haq et qu'il y a des gens qui sont sur le batil. D'accord? Donc, alhamdoulilah, ceux qui comprennent, qui ont mal compris ce point-là, des fois, ils ont de la difficulté à accepter cette réalité-là, mais souvent c'est dû à l'ignorance, hein, du fait que souvent les gens ignorent d'où ou comment sont apparues les sectes et les groupes de bid'ah. Ils ne savent pas l'historique derrière. Et donc, ils s'imaginent que c'est juste une question. Alors, l'important, c'est qu'on est tous musulmans, hein. Faut pas dire soufi, faut pas dire chiite, faut pas dire sunnite, faut pas dire rien, faut juste dire musulman. Et ça, c'est comme l'attitude de l'autruche. Hein? Celui qui rentre sa tête dans la terre et qui s'imagine que ça va enlever le problème. Non, c'est pas en niant la réalité que le problème va être réglé, mais c'est au contraire en retournant à l'exemple des prophètes, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'exemple des sahaba. Hein, et de retourner aux textes et aux explications des ulama, et là vous allez voir que les divisions et les groupes et toutes les autres qui ont dévié, eh bien, alhamdoulilah, on peut savoir qui d'entre eux est sur le haq, qui d'entre eux est sur al-batil. Al-batil, c'est la fausseté, le mensonge, yes. C'est ça, le mensonge et la fausseté. نعم الشيخ يقول ولا نستغرب إذا حصل الاختلافات on n'est pas étonné quand il y a des divisions ونشأت مذاهب ضالة وحصل صراعات بين الناس، لا نستغرب هذا، لأن هذه سنة الله لابتلاء العباد وامتحانهم، ومن هو الذي يثبت على الطريق ومن هو الذي لا يثبت. C'est ça. Il ne faut pas être étonné quand il y a des groupes, il y a des sectes, il y a des gens qui divisent, qui se sont divisés ou qui ont divergé. Il ne faut pas s'étonner de ça. Il y a des gens qui des fois il y a des musulmans, tu rencontres certains musulmans qui ils ont une attitude un peu comme ils se sentent comme un peu désespérés devant la situation. Ils disent « Ah, subhanallah, nous les musulmans, pourquoi on est divisés? Pourquoi on n'est pas unis, hein ?» Et donc, ils s'imaginent que le fait qu'on soit divisé, c'est quelque chose qui est mauvais, et que l'unité, l'union, c'est un but en lui-même. Donc, c'est fonctionner à tout prix, peu importe qu'est-ce qu'il faut faire pour s'unir. Donc, ces gens-là, tu les vois, et ils ne prennent pas en considération les causes de la division. Donc, c'est-à-dire, ils veulent juste réunir les gens physiquement pour dire on est tous ensemble, on travaille ensemble. Même si on a différence d'opinion dans les fondements de la religion, même si on est en désaccord sur comment suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment comprendre l'islam, différence d'opinion dans les fondements et dans les bases de la religion, c'est pas grave. On va pas parler des problèmes et des fondements qu'on a qui sont divergents. On va juste s'unir pour travailler ensemble. Puis le reste, on verra après, c'est pas important. Donc, ça c'est des gens, des fois, qui ont cette attitude-là, on a déjà expliqué ça plusieurs fois, mais c'est pour dire que ces gens-là, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que cette division qui existe entre les musulmans, ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a prédestiné ça. Et pourquoi il a prédestiné ça? C'est pour nous tester, c'est pour tester les serviteurs, pour voir c'est qui d'entre eux qui va rester ferme sur le droit chemin, et qui d'entre eux va dévier, hein. Donc c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'un musulman soit né dans une famille soufie. Un autre musulman est né dans une famille de Asha'ira, ou bien une famille de une autre secte, Shia ou autre. Il est né là-dedans. Est-ce que ça veut dire que ça y est, c'est fini, je suis né musulman, c'est fini? Non. T'es né musulman, mais tu dois faire des efforts pour comprendre ta religion, pour étudier ta religion, voir les fondements de ta religion, le Coran et la Sunna. Peut-être que t'es sur une bid'a, peut-être que t'es pas sur l'exemple que le prophète t'a demandé de suivre. C'est pas parce que t'es né dans une famille musulmane, ça y est, t'es garanti au paradis et que tu sors le droit chemin. Et la même chose si t'es encore pire, si t'es né à l'extérieur de l'islam, c'est-à-dire quand t'es né dans le christianisme ou dans le judaïsme ou dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme ou une autre parmi les religions, ou bien que tu es né dans une famille athée et que tu dis ça y est, mon père est athée donc moi je vais être athée, mon père est bouddhiste moi je vais être bouddhiste. Non, chaque personne il est mis dans une situation par Allah subhanahu wa ta'ala à sa naissance, et cette situation là il ne l'a pas choisie, mais il doit faire des efforts pour essayer de trouver et de comprendre la vérité et de chercher, parce que c'est ça le but de notre existence. C'est pour ça qu'Allah nous a créé, pour qu'on cherche, pour qu'on essaie de comprendre, pour qu'on essaie de trouver le droit chemin. Donc ça c'est la sagesse derrière la division. Donc il ne faut pas perdre l'espoir et perdre la foi et le contrôle quand on voit les divisions, puis on commence à désespérer, ah nous on est divisés, ça y est c'est fini. Non, alhamdulillah, restez sur la vérité et restez avec ceux qui sont sur la vérité, et vous allez voir que si vous êtes ferme sur cette vérité-là, Allah subhanahu wa ta'ala va faire propager cette vérité-là et va faire augmenter cette vérité-là, et vous allez voir que Allah va donner la victoire à ceux qui suivent la vérité. Si ce n'est pas durant votre vivant, ce sera durant le vivant de vos enfants ou de vos petits-enfants ou de vos petits-petits-enfants, mais c'est Allah qui décide. Il donne la victoire à qui il veut. Peut-être que nous, on ne mérite pas. Hein? Donc, alhamdulillah. Le cheikh ensuite, il dit, « والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاء أراد أن يكتب كتابا لأصحابه يعهد إليهم فيه ولكنه عدل عن ذلك وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعهد إليهم فتأسف بعضهم. فابن عباس يقول: لستم بحاجة إلى كتاب يكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عندكم القرآن. فقال ابن عباس رضي الله عنه فقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني التي تعوض عن هذه الكتابة التي هم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقرأ هذه الآية أو هذه الآيات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا بكتاب الله. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. فالحمد لله عندنا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أوصانا باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. donc le cheikh il dit ici que lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم est mort, à l'approche de sa mort, il a eu l'intention ou il a voulu écrire un testament pour ses compagnons, pour leur laisser quelques conseils à suivre ou quelques commandements à suivre avant de mourir. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et finalement il n'a rien laissé et il n'a rien écrit pour eux de ce testament. Alors certains parmi les sahaba étaient tristes à ce fait-là, yani, et Ibn Mas'ud radiallahu anhu leur a dit: vous n'avez pas besoin d'un livre ou d'un testament qui serait écrit par le messager sallallahu alayhi wa sallam, puisque vous avez le Coran. Et donc Ibn Mas'ud il a dit cette citation-là que le cheikh a mentionné: celui d'entre vous, hein, ça c'est en parlant des 10 versets qu'on a, des 10 commandements qu'on a lus dans les versets qu'on vient d'expliquer depuis deux cours, et bien celui qui veut regarder au testament que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé et sur lequel il y a son sceau, alors qu'il regarde ces versets, c'est-à-dire le verset 151, 152 et 153 dans Sourate Al-An'am. Pas un livre, mais un testament. Oh, c'est ça. Donc, il a dit: regardez ces versets. Et ça, c'est le testament ou ce que le professeur Sam vous a enjoint de suivre. Et donc, il n'a rien laissé excepté le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été rapporté qu'il a dit: je vous laisse une chose, je vous laisse deux choses que tant que vous allez vous y accrocher, vous n'allez jamais vous égarer. Le livre d'Allah et ma sunna. Ça c'est deux choses que je vous laisse. Restez accrochés à ces deux choses-là, vous n'allez jamais vous égarer. Le livre d'Allah et ma sunna. Donc, alhamdulillah, le cheikh il dit alhamdulillah, hein, nous avons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a commandé de suivre, et il nous a commandé donc de suivre le Coran et la sunna, sa sunna. Yani. Donc ça c'est la fin de l'explication du verset qu'on avait lu au dernier cours. Maintenant, on arrive au hadith de Mu'adh ibn Jabal, mais on ne va pas le lire aujourd'hui parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc on va s'arrêter ici, puis la semaine prochaine on va commencer ou continuer cette explication-là en lisant l'explication du hadith de Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il était sur l'âne avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh.